plongée dans ma vocation, je ne trouvais qu'une seule âme, ce fut celle de ma Pauline chérie. Mon cœur trouva dans le sien un écho fidèle, et sans elle je ne serais sans doute pas arrivée au rivage béni qu'il avait reçu depuis 5 ans, sur son sol imprégné de la rosée céleste. Oui, depuis 5 ans j'étais éloignée de vous, ma mère chérie. Je croyais vous avoir perdue, mais au moment de l'épreuve c'est votre main qui m'indiqua la route qu'il me fallait suivre. J'avais besoin de ce soulagement, car mes parloirs au Carmel m'étaient devenus de plus en plus pénibles. Je ne pouvais parler de mon désir d'entrer sans le sentir repoussé. Marie, trouvant que j'étais trop jeune, faisait tout son possible pour empêcher mon entrée. Vous-même, ma mère, afin de m'éprouver, essayiez quelquefois de ralentir mon ardeur. Enfin, si je n'avais pas eu vraiment la vocation, je me serais arrêtée dès le début car je rencontrais des obstacles aussitôt que je commençais à répondre à l'appel de Jésus. Je ne voulus pas dire à Céline mon désir d'entrer si jeune au Carmel, et cela me fit souffrir davantage, car il m'était bien difficile de lui cacher quelque chose. Cette souffrance ne dura pas longtemps. Bientôt, ma petite sœur chérie apprit ma détermination, et loin d'essayer de me détourner, elle accepta avec un courage admirable le sacrifice que le bon Dieu lui demandait. Pour comprendre combien il fut grand, il faudrait savoir à quel point nous étions unis. C'était pour ainsi dire la même âme qui nous faisait vivre. Depuis peu de mois, nous jouissions ensemble de la vie la plus douce que des jeunes filles puissent rêver. Tout autour de nous répondait à nos goûts, la liberté la plus grande nous était donnée. Enfin, je disais que notre vie était sur la terre l'idéal du bonheur. À peine avions-nous eu le temps de goûter cet idéal du bonheur qu'il fallait s'en détourner librement, et ma Céline chérie ne se révolta pas un instant. Ce n'était pas elle cependant que Jésus appelait la première. Aussi aurait-elle pu se plaindre. Ayant la même vocation que moi, c'était à elle de partir. Mais, comme au temps des martyrs, ceux qui restaient dans la prison donnaient joyeusement le baiser de paix à leurs frères partant les premiers pour combattre dans l'arène, et se consolaient dans la pensée que peut-être ils étaient réservés pour des combats plus grands encore. Ainsi Céline laissa-t-elle sa Thérèse s'éloigner, et resta seule pour le glorieux et sanglant combat auquel Jésus la destinait comme privilégiée de son amour. Céline devint donc la confidente de mes luttes et de mes souffrances. Elle y prit la même part que s'il se fût agi de sa propre vocation. De son côté, je n'avais pas à craindre d'opposition, mais je ne savais quel moyen prendre pour l'annoncer à papa. Comment lui parler de quitter sa reine, lui qui venait de sacrifier ses 3 aînés? Ah, que de luttes intimes n'ai-je pas souffertes avant de me sentir le courage de parler. Cependant, il fallait me décider, j'allais avoir 14 ans et demi. 6 mois seulement nous séparaient encore de la belle nuit de Noël où j'avais résolu d'entrer, alors même où l'année précédente j'avais reçu ma grâce. Pour faire ma grande confidence, je choisis le jour de la Pentecôte. Toute la journée, je suppliais les saints apôtres de prier pour moi, de m'inspirer les paroles que j'allais avoir à dire. N'était-ce pas eux, en effet, qui devaient aider l'enfant timide que Dieu destinait à devenir l'apôtre des apôtres par la prière et le sacrifice? Ce ne fut que l'après-midi, en revenant des vêpres, que je trouvai l'occasion de parler à mon petit père chéri. Il était allé s'asseoir au bord de la citerne, et là, les mains jointes, il contemplait les merveilles de la nature. Le soleil, dont les feux avaient perdu leur ardeur, dorait le sommet des grands arbres où les petits oiseaux chantaient joyeusement leur prière du soir. La belle figure de papa avait une expression céleste. Je sentais que la paix inondait son cœur. Sans dire un seul mot, j'allais m'asseoir à ses côtés. Les yeux déjà mouillés de larmes, il me regarda avec tendresse. Et prenant ma tête, il l'appuya sur son cœur, me disant « Qu'as-tu, ma petite reine? Confie-moi cela. » Puis, se levant comme pour dissimuler sa propre émotion, il marcha lentement, tenant toujours ma tête sur son cœur. À travers mes larmes, je lui confiai mon désir d'entrer au Carmel. Alors ses larmes vinrent se mêler aux miennes. Mais il ne dit pas un mot pour me détourner de ma vocation, se contentant simplement de me faire remarquer que j'étais encore bien jeune pour prendre une détermination aussi grave. Mais je défendis si bien ma cause qu'avec la nature simple et droite de papa, il fut bientôt convaincu que mon désir était celui de Dieu lui-même. Et, dans sa foi profonde, il s'écria que le bon Dieu lui faisait un grand honneur de lui demander ainsi ses enfants. Nous continuâmes longtemps notre promenade. Mon cœur, soulagé par la bonté avec laquelle mon incomparable père avait accueilli ses confidences, s'épanchait doucement dans le sien. Papa semblait jouir de cette joie tranquille que donne le sacrifice accompli. Il me parla comme un saint, et je voudrais me rappeler ses paroles pour les écrire ici. Mais je n'en ai conservé qu'un souvenir trop embaumé pour qu'il puisse se traduire. Ce dont je me souviens parfaitement, ce fut de l'action symbolique que mon roi chéri accomplit sans le savoir. S'approchant d'un mur peu élevé, il me montra de petites fleurs blanches, semblables à des lys en miniature, et, prenant une de ces fleurs, il me la donna, m'expliquant avec quel soin le bon Dieu l'avait fait naître et l'avait conservée jusqu'à ce jour. En l'entendant parler, je croyais écouter mon histoire, tant il y avait de ressemblances entre ce que Jésus avait fait pour la petite fleur et la petite Thérèse. Je reçus cette fleurette comme une relique, et je vis qu'en voulant l'accueillir, papa avait enlevé toutes ses racines sans les briser. Elle semblait destinée à vivre encore dans une autre terre plus fertile que la mousse tendre, où s'étaient écoulés ses premiers matins. C'était bien cette même action que papa venait de faire pour moi quelques instants plus haut, en me permettant de gravir la montagne du Carmel et de quitter la douce vallée témoin de mes premiers pas dans la vie. Je plaçai ma petite fleur blanche dans mon imitation, au chapitre intitulé « Qu'il faut aimer Jésus par-dessus toute chose ». C'est là qu'elle est encore. Seulement la tige s'est brisée tout près de la racine, et le bon Dieu semble me dire par là qu'il brisera bientôt les liens de sa petite fleur, et ne la laissera pas se faner sur la terre. Après avoir obtenu le consentement de papa, je croyais pouvoir m'envoler sans crainte au Carmel, mais de bien douloureuses épreuves devaient encore éprouver ma vocation. Ce ne fut qu'en tremblant que je confiai à mon oncle la résolution que j'avais prise. Il me prodigua toutes les marques de tendresse possibles. Cependant, il ne me donna pas la permission de partir. Au contraire, il me défendit de lui parler de ma vocation avant l'âge de 17 ans. C'était contraire à la prudence humaine, disait-il, de faire entrer au Carmel une enfant de 15 ans. Cette vie de carmélite étant aux yeux du monde une vie de philosophe, ce serait faire grand tort à la religion de laisser une enfant sans expérience l'embrasser. Tout le monde en parlerait, etc., etc. Il me dit même que pour le décider à me laisser partir, il faudrait un miracle. Je vis bien que tous les raisonnements seraient inutiles. Aussi je me retirai, le cœur plongé dans l'amertume la plus profonde. Ma seule consolation était la prière. Je suppliai Jésus de faire le miracle demandé, puisqu'à ce prix seulement je pourrais répondre à son appel. Un temps assez long se passa avant que j'ose parler de nouveau à mon oncle. Cela me coûtait extrêmement d'aller chez lui. De son côté, il paraissait ne plus penser à ma vocation. Mais j'ai su plus tard que ma grande tristesse l'influença beaucoup en ma faveur. Avant de faire luire sur mon âme un rayon d'espérance, le bon Dieu voulut m'envoyer un martyr bien douloureux qui dira 3 jours. Oh, jamais je n'ai si bien compris que pendant cette épreuve, la douleur de la Sainte Vierge et de Saint Joseph cherchant le divin enfant Jésus. J'étais dans un triste désert, ou plutôt mon âme était semblable au fragile esquif livré sans pilote, à la merci des flots orageux. Je le sais, Jésus était là, dormant sur ma nacelle, mais la nuit était si noire qu'il m'était impossible de le voir. Rien ne m'éclairait, pas même un éclair ne venait sillonner les sombres nuages. Sans doute c'est une bien triste lueur que celle des éclairs, mais au moins, si l'orage avait éclaté ouvertement, j'aurais pu apercevoir un instant Jésus. C'était la nuit profonde de l'âme. Comme Jésus au jardin de l'agonie, je me sentais seule, ne trouvant de consolation ni sur la terre ni du côté des cieux. Le bon Dieu paraissait m'avoir délaissée. La nature semblait prendre part à ma tristesse amère. Pendant ces 3 jours, le soleil ne fit pas luire un seul de ses rayons, et la pluie tomba par torrents. J'ai remarqué que dans toutes les circonstances graves de ma vie, la nature était à l'image de mon âme. Les jours de larmes, le ciel pleurait avec moi. Les jours de joie, le soleil envoyait à profusion ses gais rayons, et l'azur n'était obscurci d'aucun nuage. Enfin, le 4e jour, qui se trouvait être un samedi, jour consacré à la douce reine des cieux, j'allais voir mon oncle. Quelle ne fut pas ma surprise en le voyant me regarder et me faire entrer dans son cabinet, sans que je lui en eusse témoigné le désir. Il commença par me faire de doux reproches de ce que je paraissais avoir peur de lui. Et puis il me dit qu'il n'était pas nécessaire de demander un miracle, qu'il avait seulement prié le bon Dieu de lui donner une simple inclination de cœur et qu'il était exaucé. Ah, je ne fus pas tentée d'implorer de miracle, car pour moi le miracle était accordé, mon oncle n'était plus le même. Sans faire aucune allusion à la prudence humaine, il me dit que j'étais une petite fleur que le bon Dieu voulait cueillir. et qu'il ne s'y opposerait plus.